Eu vou cantar a ladainha tocant, falando de amor pour tous les enfants. Écoute bien, je vais te chanter. Respect des autres et égalité. Respect des autres et égalité. Qu'importe l'endroit où tu es né, tu as le même droit à la liberté. Tu as le même droit à la liberté. Les femmes, les hommes, mais bien sûr les enfants. Donnez-vous la main en partageant. Donnez-vous la main en partageant. Bien plus que la tolérance, la richesse de la différence. La richesse de la différence. Or mes couleurs, le jaune, le noir, le blanc, tous les humains se retrouvent dedans. Tous les humains se retrouvent dedans. Décidément, la danse réunit tout le monde ici. Tango, samba, salsa, plein de couleurs, plein de vie.